Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 7. Tu l'ignores peut-être encore, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 23 octobre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es taxi jaune sur la 5ème avenue, tu es gratte-ciel à Manhattan, tu es basketteur sur le bitume d'Harlem, tu es chambre 100 au Chelsea Hotel et tu es aussi Golden Boy dans le chaudron de Wall Street. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es New-Yorkais. Mercredi prochain, tu pourras découvrir Match Point, le nouveau film de Woody Allen, cinéaste new-yorkais qui, mieux que personne, incarne à lui seul la ville de New York. Mégalopole des fantasmes, des excentricités et des métissages, New York City impose au monde ses modes, sa puissance et son image. Alors peut-on penser que New York est le centre du monde ? Va savoir. Eh bien, du pont de Brooklyn à l'Empire State Building, de John Lennon aux Twin Towers, d'Anouk Aimée à Woody Allen, des gangs de rap aux boîtes de jazz, de Martin Scorsese à Claude Nougaro, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de la grosse pomme, celle de New York City. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi l'ami. Celebrate! Holiday, un tube de l'année 1983. Cinq ans plus tôt, en 78, Madonna Veronica Louise Ciccone quitte à l'âge de 20 ans son Michigan natal avec seulement $35 en poche à la conquête de New York. Une réussite. Alors, tu le sais, New York est une ville située sur la côte est des States, à l'embouchure de l'Hudson, sur l'océan Atlantique. La ville actuelle s'étend sur des dizaines d'îles, certaines minuscules, d'autres imposantes, comme Manhattan. New York se trouve à peu près à la même latitude que Bordeaux, mais le climat y est bien différent. Les étés peuvent être suffocants à cause des vents chauds et humides venus du golfe du Mexique, et les hivers sont franchement rudes. La ville est souvent sous la neige, parfois sous beaucoup de neige, comme en cet hiver 1960. Les voitures ne circulent plus à New York pour la bonne raison que, parquées le long des trottoirs, elles disparaissent complètement sous une épaisse couche de neige. Les autobus ne circulent qu'au ralenti et les passants, équipés comme les membres des expéditions polaires, luttent contre le vent violent. Détail annuel et amusant, un monsieur armé d'une pelle cherche à dégager sa voiture. Il gratte, déplace des tonnes de neige et enfin, après des heures d'efforts, le toit de la voiture apparaît, puis le capot. Et le monsieur constate alors qu'il était à la mauvaise place et que la voiture qui se découvre n'est pas la sienne. Dans toute la ville, le téléphone est dérangé, les écoles sont fermées, plus de la moitié des employés n'ont pu gagner leur bureau. Même chose à Washington, où les employés du gouvernement sont coincés chez eux. Les États-Unis résistent mal à une tempête de neige. Ainsi, l'hiver, la neige peut bloquer pendant plusieurs jours les New-Yorkais. Et les premiers colons qui sont arrivés dans la baie de l'Hudson ont dû se décailler sévère. Au XVIIe siècle, les Indiens Manat occupent le territoire. Les Hollandais leur rachètent pour l'équivalent de $24 en bijoux de pacotille et y font d'une ville la Nouvelle Amsterdam. Wall Street, la rue du Mur, forme alors la limite nord de la colonie. Les Hollandais y avaient en effet construit un mur de terre et de poutres pour se protéger des Indiens et des colons britanniques tout proches. La Compagnie hollandaise des Indes orientales installe ensuite un port à la Nouvelle-Amsterdam. En 1664, ça mousse, le gouverneur hollandais Peter Stuyvesant, qui n'était pas un fumiste, cède la ville aux Anglais qui la rebaptise New York. Cette ville ne cesse de prospérer et devient vite le premier port de la côte Est. D'ailleurs, pendant la guerre d'indépendance, Washington y établit son QG. Et en 1783, les derniers Anglais quittent la ville. Au 19e siècle, la ville continue son développement. Le commerce y est florissant et la bourse prend de l'importance. New York est également le port d'entrée de millions d'immigrants qui viennent, peu importe leur chance, peu importe le temps, à la conquête d'une vie meilleure au Nouveau Monde. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. New York a donc été le port d'arrivée de millions d'immigrants d'Europe du Nord puis d'Europe du Sud. Une ville cosmopolite où chacun se pointe avec sa culture, ce qui a profondément marqué les quartiers new-yorkais comme Chinatown ou Little Italy. Little Italy, quartier du sud de Manhattan où prospèrent quelques mi-femmes mafieuses chez qui les affranchis sont des rois. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics. C'était une époque bénie. Il y avait des affranchis dans tous les coins. C'était avant Appalachian et avant que Joe le Fou décide de se mettre à son compte et déclenche la guerre. C'est là que j'ai découvert le monde. Et que j'ai fait connaissance avec Jimmy Conway. Il ne devait pas avoir plus de 28, 29 ans à l'époque. Mais c'était déjà une légende. Il avait qu'à pousser la porte d'un établissement et tout le personnel s'excitait comme des puces. Il filait un billet de 100 au portier parce qu'il lui ouvrait la porte. Il enfourait dans les poches des serveurs de cartes et des mecs qui tenaient les tables de jeu. Le barman se retrouvait avec $100 parce que ses glaçons étaient froids. Attention, l'Irlandais vient faucher tout le blé des macaronis. C'est maintenant le plus dur. Aujourd'hui, tout a changé. Il n'y a rien qui bouge. J'attends que ça se passe comme tout le monde. Même pas moyen de manger correctement. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccine et sauce marinara, j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. Des nouilles au ketchup, mais c'est ça aussi, l'Amérique. New York prend son aspect actuel à la fin du 19e siècle par la réunion des cinq quartiers. Manhattan, le Queens, Brooklyn, Richmond et le Bronx. Au XXe siècle, la course au plus haut building bat son plein. Le Woolworth Building, construit en 1913, reste 17 ans la plus haute tour du monde. Il y eut ensuite le Chrysler Building, puis l'Empire State Building. À la fin des années 60, avec plus de 400 mètres, deux petites jumelles étaient devenues les plus hautes tours de New York. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Les Twin Towers du World Trade Center étaient les plus hautes tours de New York, symbole de sa puissance et de l'avance technologique de la ville. Enfin, avance technologique, il faut nuancer, hein, car parfois, il y a quand même eu des cafouillages, comme en juillet 1977. Pour la deuxième fois en 12 ans, New York a pris cette nuit l'aspect sinistre d'une ville fantôme. Une monumentale panne de courant a plongé les gratte-ciels dans les ténèbres et obligé 8 à 10 millions de personnes à se mettre fiévreusement à la recherche de bougies ou de lampes de poche. La panne s'est donc étendue à toute la ville et New York est restée dans le noir. 8 à 10 millions de personnes sans lumière et quelques-uns pour en profiter. Figure-toi que le nombre de naissances a incroyablement augmenté 9 mois après la panne. Les ratés techniques peuvent avoir du bon. New York est donc devenue la première ville des États-Unis et a su cumuler des fonctions urbaines qui en font aujourd'hui l'archétype de la ville mondiale. New York est le symbole de la puissance financière des States avec Wall Street. New York est également une capitale culturelle de renommée mondiale. Tiens, par exemple, la simple évocation de Broadway donne envie de faire la Java. Quand on fait la Java de samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Mais Broadway n'est pas le seul centre de création musicale. Le Bronx et Harlem, par exemple, t'ont offert des grands moments de plaisir avec des sons jusqu'alors jamais entendus. I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Rapper's Delight, le premier gros tube mondial de rap en 79, venu directement des Bad Boys de New York City. Et pour terminer ce panorama des fonctions de New York, il faut noter que la Grosse Pomme est devenue, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un des centres politiques majeurs de la planète. En 1947, le siège de l'ONU a été installé au bord de l'East River. Pour certains, une grosse tribune. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Eh oui, ministre Villepin est alors obligé de rappeler les bases du droit international et les valeurs fondamentales de l'ONU en février 2003. Quand un cow-boy s'installe à la Maison Blanche, est-ce que tu aimes dans les westerns ? Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif ? Les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw. Oui, j'aime. Bon, alors, nous irons vivre libre, dans un pays sauvage. Et nos armes seront, l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros s'en va seul seront. Et leurs âmes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes? Arthur H. et Mathieu Chédide se baladent en 2005 dans les westerns, parce qu'aujourd'hui encore dans les rues de New York, pour une poignée de dollars, tu peux trouver le bon, la brute ou le truand. Alors pour continuer notre voyage au cœur de New York City, il est temps désormais de te parler d'un mec étrange, de son vrai nom Allen Stewart Königsberg, alias Woody Allen, l'un des plus grands cinéastes vivants, né à Long Island il y a 70 ans. Il est impossible de parler de New York sans évoquer cet homme chétif, névrosé et binoclard. Malade à vomir dès qu'il s'éloigne un peu des trottoirs de Manhattan, Woody Allen est une incarnation de l'esprit de New York. Même si son nouveau film Match Point, qui sort en France mercredi, se déroule à London, il n'a jamais cessé depuis 35 ans de filmer New York sous toutes les coutures. Ses angoisses, son humour et son cynisme sont l'écho de cette ville de dingo. À ses débuts, à la fin des années 50, Woody Allen est payé $100 par semaine pour écrire 50 gags destinés à la chaîne de télévision NBC. À l'époque, il est particulièrement recherché pour ses one-liners, réflexions courtes et acerbes du genre « on n'a jamais vu d'aveugle dans un camp de nudistes » ou encore « la différence entre le sexe et la mort, c'est que mourir, tu peux le faire seul et que personne ne se moquera de toi ». La suite, c'est une histoire de succès mondial. Au rythme frénétique d'un film par an, Woody raconte comme personne ce qu'est Manhattan. Chapitre 1. Il adorait New York. Il l'idolâtrait au-delà de toute mesure. Il romançait New York au-delà de toute mesure. Et pour lui, quelle que soit la saison, elle restait une ville qui existait en noir et blanc et qui vibrait au rythme du grand Gershwin. Je recommence. Chapitre 1. Pour lui, New York, c'était les femmes superbes et les mecs du pavé qui avaient l'air drôlement à la cool. Non, c'est aucun, ça, c'est trop aucun pour mon goût, ça. Bon, alors, essayons un cran au-dessus. Chapitre 1. Il adorait New York, bien que pour lui, elle fût une métaphore du pourrissement de la culture contemporaine. Quelle difficulté d'être dans un monde désensibilisé par les drogues, la musique tapageuse, la télévision, la violence, les ordures. Non, trop en colère, ça, je ne veux pas l'être. Chapitre 1. Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait. Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle. Ça, j'adore. New York était sa ville et elle le resterait à jamais. New York était sa ville et le resterait à jamais. Tu m'étonnes. Woody en a fait sa matière première. Il pense New York, il écrit New York, il vit New York. Et comme de nombreux New Yorkais, il a ses habitudes urbaines et ses angoisses existentielles. Tout d'abord, depuis 50 ans, Woody voit des psys. La question de la condition humaine le perturbe énormément, tellement que quand il s'éloigne de New York, il arrive même parfois qu'il se fasse psychanalyser par le premier venu, en direct et en public. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Ah, that's a good question. Bonne question. J'aimerais peut-être être réincarné en éponge. En éponge. En éponge. Une éponge. Oui, une éponge. Pourquoi? Pour gonfler. It's lovable. Écoutez, c'est très joli, c'est sympathique. No enemies, ça l'éponge n'a pas d'ennemis. You know, why not? Mais pourquoi pas? Et la dernière question, qui est plus difficile, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Woody Allen? I forgive you. Je te pardonne. Parce que s'il existe, je pense que je risque d'avoir de gros problèmes. Si Dieu existe, Woody Allen pourrait-il avoir de gros problèmes? Et pourquoi donc? Après tout, il est un humaniste, et comme ses deux petits voisins de Manhattan dans les années 80, Woody sait bien que... Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. faut de tout pour faire un monde, et ça, Woody, il l'a bien compris. Oui, malgré son physique un peu difficile, il a toujours su qu'il pouvait plaire aux femmes. Sa drague, parfois maladroite mais toujours séduisante, a souvent été concluante. Tiens, par exemple, dans sa jeunesse, il suffisait d'un vernissage d'art contemporain au MoMA pour que Woody tente une approche. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ? Vous êtes malade ? Bon, j'insiste pas. Oh non, mais dis donc ! Pour qui il se prend ? Sale mec ! Bougeur ! Monstre ! Wow ! Remarque, je suis conne de ne pas avoir accepté. Il avait le mérite d'être drôle, sincère, franc, direct, pas emmerdeur. Pas comme ce gros sournois. Sois certain que certaines ont été moins frileuses avec Woody le New-Yorkais, drôle, sincère et brillant. Alors, ces derniers jours, l'équipe de la panique au Mangin Palace s'est lancée à la recherche de Woody dans les rues de Manhattan. Nous avons donc dépêché sur place Lucienne Leclerc, notre envoyée spéciale, qui doit se trouver en ce moment dans un club de jazz où Woody doit jouer de la clarinette. Alors Lucienne, est-ce que vous m'entendez ? Écoutez Philippe, je suis confuse. Hein. Je vous avais promis un bœuf de tous les diables en compagnie de Woody Allen. Et malheureusement, je ne vois pas l'ombre d'une clarinette à l'horizon. Sans doute une erreur de programmation, car ici au Pussycat Club, pas un seul petit morceau de banjo ou de saxo. Mais vous savez, c'est aussi ça, New York, de l'imprévu, de l'inattendu, et je dois dire qu'en la matière, nous sommes gâtés à l'angle de la 33e rue. C'est ce qu'on pourrait appeler le New York insolite, hein, le New York fantasy qui s'offre à nous. Alors, ma foi, je ne sais pas où commencer. Malgré les rafraîchissements distribués ça et là, les New Yorkais du coin ont l'air d'avoir trop chaud pour supporter leur tricot. Du coup, c'est très convivial. Hein. Tenez, à l'instant, se forme une grande pièce montée humaine. S'agit-il d'une de ces performances new-yorkaises ? Oh, peut-être une parabole de cette grosse pomme, pierre précieuse, enchâssée dans la couronne de la terre. Rendez-vous compte, tête bêche, j'aperçois des jambes, des bras, et puis, oh tiens, qui des genoux, qui des orteils, qui des implants ? Oh, et puis il y a également deux facétieux hommes à barbe. L'un d'entre eux semble vouloir me faire coucou. L'hospitalité new-yorkaise, hein, c'est un show incroyable, Philippe, très... très fort de café, très fort à l'amour en Panavision, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Philippe, je crois qu'il est temps pour moi de m'éclipser. De toute façon, je ne sais pas vraiment où m'asseoir, et puis ça picote un peu, comme on dit. Lucienne Leclerc, en direct de New York, pour Panique au Mangin Palace. Bon, faites bien attention à vous, Lucienne, hein. Ce club new-yorkais a quand même l'air un peu bizarre. Mais bon, vous êtes grande, faites ce qui vous plaira. Alors, comme on se doutait un peu que Lucienne aurait du mal à retrouver l'ami Woody, nous avons joint cette semaine au téléphone une de ses très bonnes amies, une femme française, la sublime Maddalena dans la Dolce Vita de Fellini, l'actrice Anouk Aimée. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé depuis combien de temps elle connaissait Woody Allen. Réponse juste après le jingle. Soumagues, qui était un agent à Los Angeles, avait fait ce qu'on appelle une partie, ça devait être en 74 à peu près. Et c'était Woody Allen et pour moi, mais on ne se connaissait pas, on est restés assis sur une chaise chacun. Et il était là et j'étais là et on était très timides tous les deux, mais voilà. Et vous vous êtes pas parlé de la soirée en fait ? On a dû se parler, mais très, très timidement quoi. Puis après donc à New York, j'ai été l'écouter. Et puis on a parlé de... Il aime beaucoup Fellini. Oui. Alors on a parlé de Fellini. Et puis après, je ne sais plus comment ça s'est fait qu'on s'est vu beaucoup. Et on se voit toujours. Quand il vient à Paris, c'est quoi le programme ? Vous allez dîner ? Vous allez voir une expo ? Vous faites quoi ? Non, il a toujours beaucoup de choses à faire. Hein. Quand il vient à Paris, c'est au moment de Noël. Et il vient avec les enfants et tout ça, alors il m'appelle et puis on dîne ensemble régulièrement, on fait notre dîner et on va toujours boire du bon vin, parce qu'il adore ça, il adore tout ce qui est la cuisine française et voilà. Et même à New York, on mange très bien chez lui. Donc on dîne très bien chez Woody, mais vous qui le connaissez intimement, Anouk Aimée, quel type de personnage est-il réellement ce Woody Allen ? C'est quelqu'un qui est très simple, qui vit très simplement, c'est... Et très discrètement. Il faut être tout à fait à l'heure avec lui. Une fois, j'étais en retard de 10 minutes. Je lui ai dit, pardon, je suis en retard de 5 minutes. Il me fait 10, Anouk. Il est très précis sur l'heure. Et toujours avec beaucoup de gentillesse. Si vous deviez lui faire un cadeau, qu'est-ce que vous auriez envie de lui offrir ? Ah, ça, c'est difficile. Une très, très, très, très bonne bouteille de vin rouge exceptionnelle. Bordeaux extraordinaire. Et il serait heureux. Oh, je crois qu'il serait heureux, il adore ça. Et une dernière question, si, s'il vous appelle dans l'après-midi pour vous dire Anouk, je viens d'arriver à Paris, je suis à Paris, oui, et qu'il vous dit j'ai un rôle pour vous, Anouk, qu'est-ce que vous faites? J'arrive tout de suite. Tout de suite. Mais je vous dis, Woody est un ami que j'admire énormément, mais il n'est pas forcé de travailler avec moi. C'était Anouk Aimée pour Panique au Mangin Palace. Mix it's alive, me try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Mix it's alive, hear my heart have no base. And right now Babylon upon me case. Mix it's alive, try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Mix it's alive, my heart have no base. And right now Babylon upon me case. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure and eyes up no matter how hard me try. Big city life in my heart. Big City Life, le groupe Matafix en 2005, la vie dans la grande ville, parce que dans le monde entier, le fantasme de la grande ville, eh bien, c'est New York. Pour poursuivre maintenant notre exploration de New York City, nous te proposons une petite balade à travers la Grande Pomme, plus précisément à travers le cœur de la ville, dans l'île de Manhattan. Nous allons débuter cette balade au sud de Manhattan, dans le port de New York, à deux brasses de Liberty Island, là où se trouve la Statue de la Liberté, cadeau de la France aux Ricains pour le centenaire de leur indépendance en 1886. Le quartier de South Street Seaport est l'ancien port de New York, le port historique de la ville par où sont arrivés des millions d'immigrants et qui est aujourd'hui un quartier musée. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Les mouettes me font bonjour dans le ciel, je vois les jolies mouettes. Les mouettes me font bonjour et je sens en moi de longs frissons d'amour. C'est dans le port de New York que le 9 février 1941, un soudeur maladroit, ce con, a foutu le feu à un des fleurons de la marine française, le paquebot Normandie. Le navire est alors en pleine rénovation pour devenir transporteur de troupes quand une étincelle fout le feu au rafio qui crame en quelques heures avant de sombrer dans le port de New York. Oh, mon bateau! Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Quittons les bateaux et le port de New York et remontons à pied vers Wall Street, le méga quartier des affaires et de la thune. Le quartier est très animé le jour, mort la nuit, quartier de cons. Nous allons continuer tranquille vers Trinity Church pour arriver là où il y a peu de temps, tu aurais eu un torticolis à force de regarder en hauteur. Aujourd'hui, il y a un trou car, souviens-toi, il était 15h sur France Inter. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Nous sommes en ligne avec Laurence Simon à Washington. Vous avez de plus en plus d'informations, Laurence, sur cet accident? Ça vient de tomber, on n'en sait pas beaucoup plus et les témoins sur place sont excessivement peu nombreux. On sait que c'était effectivement une des tours du Washington, World Trade Center qui est touchée. On ne sait même pas s'il y a des blessés, il y a de la fumée qui s'échappe des étages supérieurs de la tour. Il y aura sûrement des blessés puisqu'à 7h de la journée, les gens sont au travail depuis au moins une heure. Ce qui est étrange, c'est que c'est pas normalement un couloir aérien, c'est pas là que passent les avions. Le problème qui va se poser maintenant, c'est l'accès des secours à cette partie de New York et à cette heure de la journée où ce qu'on appelle le rush hour, c'est-à-dire les embouteillages, battent leur plein. Un avion dans le World Trade Center en plein rush hour. Malheureusement, on connaît la suite. Depuis, la ville n'est plus tout à fait la même. Pour continuer ta balade dans Manhattan, vu que le dimanche matin, on n'est pas en plein rush hour, le mieux, c'est de prendre un taxi, un des fameux taxis jaunes, pour aller voir l'un des gratte-ciels les plus célèbres, l'Empire State Building. Et puis, avec un peu de chance, le chauffeur taxi, le driver, sera un type assez cool qui, s'il est de bonne humeur, pourra te raconter comment il a été recruté. Alors, Bickel, pourquoi vous voulez faire le taxi? Je dors pas la nuit. Faut aller voir les films porno. Ça aussi, j'ai essayé. Ici 347. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça. Vous feriez la grande banlieue et le Bronx, Harlem? N'importe quoi, n'importe quand. Même pendant les fêtes juives? J'ai dit n'importe quoi, n'importe quand. Bon, alors faites voir votre licence de chauffeur. 347, 347, je suis libre, 347. Et votre dossier conducteur? Il est net, clair et net, comme ma conscience. Avec ton taxi driver, en quelques minutes, tu te retrouves donc au pied de l'Empire State Building, un immeuble de 381 mètres construit en 1933. 1933, c'est l'année même où sur les écrans, ou dans la réalité, on ne sait plus très bien ici, une sacrée bestiole est montée sur le monument, une bestiole ramenée d'une île lointaine sur un radeau. Qu'allez-vous faire de lui? Le mettre sur un radeau et l'embarquer. Ah, le monde entier paiera pour voir ça. Aucune chaîne ne sera assez forte. On lui mettra plusieurs chaînes. Il en a effrayé plus qu'il n'en effraiera. Et nous le dresserons. Dans quelques mois, lettre de feu dans Broadway. King Kong, la 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde, perchée au sommet de la plus haute tour du monde avec des avions qui lui tournent autour, mythique. Aujourd'hui, la panique au Mangin Palace a voulu poursuivre l'investigation et a envoyé un de ses meilleurs reporters sur les traces du saint géant. Émile Fouchetard, me recevez-vous? Émile, vous êtes là? Philippe, je ne vous entends pas. Je suis bien là, Émile, je vous écoute, à vous. Ah oui, je vous ai maintenant, oui, Philippe Collin. Eh bien, effectivement, je suis à New York City sur Hudson. Et je me trouve en ce moment, tenez-vous bien, sur le dôme de l'Empire State Building, à 381 mètres de hauteur. Eh oui, comme King Kong. Malheureusement, je ne sers pas dans mes bras Gene Harlow ou Jessica Lange. Je n'ai que mon micro dans la main pour être une fois de plus au service des auditeurs du Mangin Palace. J'ai simplement mis sur ma tête, vous allez rire, un serre-tête avec deux grandes oreilles de Mickey pour être dans la tonalité de cette ville qui aime la déconne. Je ne vous cache pas que d'ici, la vue est splendide. Du haut de mon perchoir, je vois tout Manhattan. Une grande partie de Brooklyn, un peu du Queens, un soupçon du Bronx, mais rien de Harlem, qui reste pour l'instant dans le noir. C'est wonderful, comme on dit ici. Il y a même des goélands qui volaient autour de moi, ce qui rajoute à la magie de cet instant privilégié. Hello, les oiseaux! Vous venez de Long Island? Oh, il y a un des volatiles qui se détache du groupe et qui vient au-dessus de ma tête. Coucou, la mouette! Tu es bien jolie avec ton bec jaune. Oh! Oh, oh, il m'a fait dessus! Oh, oh, quelle horreur, c'est liquide et jaunâtre! Oh, la saleté! Tu vas voir si je me chope un rhume à cause de la grippe aviaire, toi! Bird of shit! Philippe, voilà, je vous rends l'antenne, je vais me changer. C'était Émile Fouchetard en direct de New York pour Panique au Mangin Palace. Merci beaucoup, Émile. Prenez soin de vous, hein. Oui, bah oui, je suis tout taché. Ah là là, Émile Fouchetard, 28 ans de chaudière au service de ta balade dans New York City. C'est pas beau ça, même taché, il est pro Émile. Maintenant, si tu remontes vers le nord de Manhattan, sur Broadway, au cœur de Midtown, tu tombes sur Times Square, un symbole de la démesure new-yorkaise. À l'intersection de la 42e rue, de Broadway et de la 7e avenue, Times Square est une déferlante de lumière, d'enseignes de théâtre, de restos et de néons publicitaires. De Times Square, tu prends la 7e avenue vers le nord pour te rendre dans un lieu mythique, le poumon vert de la mégalopole Central Park. Un immense jardin rectangulaire de 33 hectares aménagé à la fin du 19e siècle. Dans les rues de Central Park, il y a des noirs portoricains qui bing-bang disent style band et puis frappent avec les mains. Quand tu entres dans ce jardin, des tas de couples à poussettes, des joggeurs du dimanche et quelques clodos allongés sur les bancs. Tu marches pépère dans Central Park jusqu'à Strawberry Field, au niveau de la 72e rue. Quelques mètres à parcourir pour arriver au Dakota. Le Dakota, un immeuble pas comme les autres. Souviens-toi de ce soir de décembre 1980. La musique rock est en deuil. John Lennon, l'ex-Beatles, a été assassiné cette nuit à New York. Il était 22h30. Lennon, accompagné de sa femme Yoko Ono, venait de quitter un studio d'enregistrement. Au moment où il pénétrait dans l'entrée de son immeuble, un homme a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction, 7 ou 8 selon des témoins. John Lennon s'est effondré, il devait mourir quelques minutes plus tard. John Lennon est mort le 8 décembre 1980 au pied de l'immeuble Dakota à Manhattan. Le monde s'est arrêté quelques instants ce soir-là quand les radios ont annoncé que Mark Chapman, un cinglé, avait tiré 5 bastos sur l'ex-Beatles, devenu chanteur de la paix. Imagine, tu reprends maintenant un taxi jaune, t'inquiète, la course c'est pour France Inter, et tu te rends au nord de Central Park, à Harlem. Harlem, le quartier black de New York, le quartier du gospel, du jazz, du rap et des émeutes, un quartier à la sale réputation. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies. Harlem souffre encore de cette mauvaise réputation et le quartier est le symbole de la question raciale à New York. Mais Harlem est aujourd'hui en pleine rénovation. Face à la saturation du logement dans les autres quartiers de Manhattan, Harlem a vu les prix de l'immobilier exploser de 300% dans les années 90. Et c'est aujourd'hui un quartier très recherché. Alors de downtown au sud, le cœur historique de Manhattan, à uptown au nord avec Harlem, nous avons fait ensemble une petite balade. Je suis le passager et je me promène à travers l'arrière de la ville. Ce The Passenger, chanson écrite en 77 par Iggy Pop, l'iguane, qui s'exhibe nu, se lacère et s'enduit de beurre de cacahuète sur la scène new-yorkaise avant de vomir sur son public. Ça aussi, c'est New York. Alors, pour terminer notre exploration de la grosse pomme, il est temps désormais de retrouver nos deux héros bien français, les magiques Monique et Jean-Claude. Cette semaine, ils sont allés passer quelques jours à New York City. Ce projet de voyage outre-Atlantique avait déjà été évoqué par Jean-Claude il y a bien longtemps. Quelques jours seulement après leur rencontre à Palavas-les-Flots au début des années 80, Jean-Claude avait fait une promesse à Monique. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel des. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. 20 ans plus tard, l'ami Jean-Claude a enfin les moyens de tenir sa promesse et a acheté deux billets d'avion pour New York, le rêve américain. Monique est aux anges. Au bureau, Jean-Claude se la joue grave. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Le départ approche pour leur voyage en amoureux. Les enfants Rémi et Elsa ne sont pas du voyage. Monique est un peu contrariée, mais bon, quand elle fait ses valises, elle est toute excitée. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas, pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Monique et Jean-Claude sont donc à l'aéroport de Roissy, un peu nerveux. Ils n'ont pas pris l'avion depuis bien longtemps. En plus, il y a beaucoup de monde dans cet aérogare international. Il ne faudrait pas se perdre. Les passagers du vol numéro 513 à destination de Corfou sont invités à se rendre dans la salle des bords numéro 32. Ah, Corfou. Monique se souvient alors de ce joli voyage avec son premier amoureux, Rulio. Elle est toute émue. Jean-Claude constate et lui demande ce qui ne va pas. Monique reprend Fissa ses esprits. Il faut embarquer rapidement à la porte 34. Le décollage est tout proche. Le vol s'est bien passé. Aucune turbulence. Parfait. Il ne reste plus qu'à passer la douane américaine. Autrement dit, prouver qu'on n'est ni communiste, ni terroriste, ni nazi. Et surtout, ne pas mordre la ligne jaune au sol, sinon coup de trique du douanier. Ça y est, tout est en règle. Monique et Jean-Claude sont sur le territoire américain. Après quelques mètres dans l'aéroport JFK, Monique se met à fredonner avec son bel accent d'Avignon, rapidement aidé par un employé de service classieux qui lui emboîte le pas. Ça, c'est du nouveau. Je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête, New York, New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. C'est formidable. Il est 18h à Paris, mais seulement midi à New York. Vite, il faut désormais trouver un taxi pour se rendre à Manhattan. Une cohorte de voitures jaunes les attend devant la sortie de l'aérogare et leur chauffeur, c'est local. Mon revolver, mon chien loup, mon taxi jaune et moi. On va par-ci, par-là, suivant l'endroit et l'heure, en insultant les autres chauffeurs. Le compteur tourne, tourne, le chien aboie, ça met les clients tout en joie. Le compteur tourne, tourne. Par cas, ils se mettent en colère. J'ai mon revolver pour leur mettre la tête à l'endroit. Jean-Claude n'a pas fait le malin. Il a même laissé un pourboire, tout s'est bien passé. Le revolver n'est pas sorti de son étui. Ils ont déposé leurs bagages à l'Edison Hotel sur la 47e rue. Maintenant, il faut profiter et se balader dans les rues de New York. Monique est éberluée par ces gratte-ciels qui n'en finissent pas. Elle est en boucle. Oh, c'est... Oh, Jean-Claude, caméscope tout pour les enfants. Il marche sans cesse, main dans la main. Ils sont heureux. Jean-Claude pose alors un regard tendre sur Monique et lui bafouille trois mots en anglais. Kiss me, as you love me, prends un coca et assieds-toi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. Alors tout ça, c'est bien mignon. Mais à force de marcher comme ça, l'esprit libre, les deux zozos se sont paumés. Il semble bien que l'ambiance est un peu plus tendue par ici. Dans ce quartier, les regards sont plus pesants. Jean-Claude, un peu trouillard, pense qu'il ne faut pas traîner et mieux vaut récupérer le métro pour rentrer à l'hôtel. Ils prennent donc la ligne 3. La rame est bondée, tout le monde est serré et Monique constate alors, un peu inquiète, que c'est sans doute un quartier ghettoisé. Tout à coup, elle sent derrière elle quelques mains baladeuses sur ses hanches et là, un jeune homme du coin se frotte à elle et lui susurre quelques mots tendres à l'oreille. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. And you got me feeling right, you heard me. My mama gone, you can spend the night, you heard me. I ain't playing, I'm trying to fuck the night, you heard me. Clothes off, face down, ass up, come on. Come on, haha. Jean-Claude ne moufte pas. Les trois mecs ont des bagouses énormes, des casquettes suck my dick et des diams sur les dents. Mais comme il continue de bien kiffer Monique, Jean-Claude tente quand même d'amorcer un dialogue, mais c'est mal barré. T'es pas du quartier. Eh les gars, je ne suis pas du coin. J'arrive d'un pays lointain. Je ne suis pour vous qu'un étranger. Mais en ami, je viens vous trouver. Barre-toi. Allez, tire-toi. Passe-toi. Arrive enfin la station où Monique et Jean-Claude doivent descendre. Ils se précipitent fissa hors du wagon et retrouvent avec beaucoup de bonheur l'air pur et rassurant de la 5e avenue. Il est 20h à New York et 2h du mat à Paname, mais ils doivent maintenant filer à Broadway pour assister à une énième représentation de West Side Story. Avec cette histoire de rappeur, ils sont en retard, alors ils courent et le naturel de Jean-Claude refait surface. Mais bon, le spectacle à Broadway était fabuleux, ils sont tout heureux et dans leur chambre d'hôtel, avant de se coucher, Monique s'improvise sous les feux de la rampe. Juste avant de s'endormir pour cette première nuit à New York, Monique demande à Jean-Claude comment il a vécu cette première journée au cœur du fantasme new-yorkais. Le Jean-Claude, il a pris sa claque. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous de rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre sur les starting blocks. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici, New York. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc, c'est l'enfant de l'art, c'est le falacoque. Au détour d'un bloc et son filet car me découpe le lard. Fa façon jambon du rock. L'électrique New York. Nougaro, il avait tout compris. Viré par sa maison de disques en 1985, il part pour New York en quête d'inspiration, écrit et enregistre sur place un disque qu'il finance lui-même, le New York, dont le succès retentissant fut une surprise et une mine d'or pour Claude. Nous voici donc arrivés au terme de notre survol de New York City, à l'heure où le nouveau film du cinéaste qui incarne si bien la grosse pomme sort mercredi sur les écrans. De Central Park au Dakota Hotel, de la Nouvelle-Amsterdam à Harlem, de 50 Cent à Munich, nous avons voulu t'offrir une impression new-yorkaise. New York est la ville de toutes les démesures et il est impossible d'en faire le tour en une heure. Tu ne peux pas croiser tout le monde lors d'une simple balade. Si tu rencontres Woody Allen et King Kong, tu peux aussi rater Paul Auster, Henry Miller ou Andy Warhol. Alors c'est quoi New York? C'est une ville mondiale, peut-être même aujourd'hui le cœur du monde. Mais bon, New York, c'est aussi beaucoup de fantasmes, surtout pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. N-Y, de l'être connu dans le monde entier. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. Mais attention, New York, ce n'est pas les États-Unis. C'est la tête de pont du vieux continent sur le nouveau monde. C'est une ville hybride où s'entremêlent la folie du western et l'influence de la culture européenne. New York est une ville ouverte, plutôt démocrate que républicaine d'ailleurs. Ce qui est amusant, c'est que la puissance de New York est telle que tu la connais mieux que bien des villes françaises. Que ce soit à travers des séries télé comme Sex and the City ou Arnold et Woody, ou bien encore à travers le cinéma, cette ville t'est familière. Elle t'est sans doute d'autant plus familière que New York a accueilli de nombreux intellectuels français. Tiens, par exemple, pendant l'occupation nazie, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Saint-Exupéry et bien d'autres encore ont trouvé refuge à New York. De la même manière, après-guerre, les intellectuels français ont conservé le lien qui les unissait à New York. Foucault, Derrida et Bourdieu sont peut-être plus lus là-bas qu'ici. Il faut dire tout de même qu'un autre intellectuel français avait bien préparé les New-Yorkais à l'approche d'une fine analyse systémique du corps social. Écoute bien. Refuse me. Oh joy, look at those lips, look at that sweet smile. Pardon and just please, excuse me. Hello beautiful, how'd you get so beautiful? How'd you get that sunshine in your smile? C'était l'incroyable Maurice Chevalier, totally bilingual. Voilà, fin. Septième épisode, c'était « C'est quoi New York ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était « Panique au Mangin Palace », ce Radio Mix a été coécrit « Les doigts dans la prise » avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un autre co-auteur Jedi et sans qui cette émission ne serait pas la même. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri Marc Mutel, qui fait aussi Émile Fouchetard. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Vincent Le Pigeon et de Philippe Jurado. Merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, alias Princesse Leia, qui elle fait Lucienne Leclerc. Merci beaucoup Amel. Pour le disque laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Au passage, on a enrichi le site d'une nouvelle photo de cette équipe de furieux. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao.